écoute tes cieux et que la terre entende. La parole tombe comme la pluie. Le rocher est juste dans toutes ses voies. Sa fidélité ne pâlit jamais, ici banni dans l'infini. Tu annonces les infidélités à venir, mais aussi la restauration promise. Car même quand ton peuple s'égare, ta compassion reprend la maîtrise. Tu es le rocher et tout ce qui s'appuie sur toi tient.